aimons-nous quand même, aimons-nous jour après jour, aimons-nous quand même, aimons-nous malgré l'amour, aimons-nous de rage, aimons-nous mais sans pitié, aimons-nous en cage, aimons-nous sans amitié. 2000 ans de haine n'ont rien changé à l'amour. Pour briser nos chaînes, sonne canons et tambours. C'est l'amour qui gronde, l'amour avance à grands pas. Détruira le monde par amour du combat. Je t'aime, tu m'aimes, il aime. Nous vous aimons, vous nous aimez. Ils m'aiment, ils t'aiment, ils aiment. Aimons-nous quand même, la mort unit sans retour. Aimons-nous, je t'aime, je te tuerai, mon amour. L'amour nous préserve des remords, de nos tueries. On tue sans réserve par amour de sa patrie. On vit sans histoire lorsque l'on vit sans aimer. L'amour, c'est la gloire, la puissance et l'amitié. Aimons sans contrainte.